Les enfants, tout le monde connaît, surtout ceux qui la connaissent. Allez-y, mère. Le matin, quand je me suis levé, j'étais tout léger. Comme dit en tout dessert, j'avais son verre à manger. Alors je me suis préparé pour aller déjeuner. Je l'ai libéré, et le genre l'a accompagné, ouais.